claque un peu les filles. Allez, vous arrivez. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Johnny Hallyday est sur Érigé de 22h jusqu'à minuit, voire plus. Si Thierry déborde, c'est toujours plus, évidemment. Bienvenue pour cette 519e émission sur RIG, j'allais dire de la saison. Non, sinon je travaillerai tous les jours en gros. Mais sinon deux fois par jour, sinon trois fois par jour, je travaillerai s'il y en avait 500 émissions par année. Bon, il y en a qui se plaindraient pas, hein, je te le dis. Je vous l'avoue, oui, il y en a qui se plaindraient pas du tout. Et le seul qui se plaindrait, c'est peut-être moi. Bienvenue tout à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et attention, attention, attention, hein. Avec cette émission-là, il reste trois émissions de Julie 2 à Z pour terminer cette saison 2022-2023. Et on va en profiter un maximum. On vous parlera de l'émission de la semaine prochaine. Mais nous sommes ce soir avec un album de la semaine qui est Hello Johnny, qui est le premier 33 tours 25 cm de Johnny Hallyday. Et il sort le 31 octobre 1960. Le premier 33 tours 25 cm de Johnny sort sous la référence Vogue LD 521. Le disque rassemble 10 des 12 titres préalablement publié au cours de l'année 1960 en trois super 45 tours. Le 14 mars 1960 avec T'aimer follement, J'étais fou, Ho ho baby, Laisse les filles. Le 3 juin 1960, Souvenir, souvenir, Pourquoi cet amour, Je cherche une fille et je suis mordu. Et le 11 octobre 1960, Itsy bitsy petit bikini, Depuis que ma môme, Le plus beau des jeux et je veux me promener. On va écouter tout ça. Quelques titres, 7 titres sur les 10 au cours de cette émission. Et puis ce sera agrémenté de plein d'autres titres de Johnny Hallyday au cours de ces dernières décennies. Mais partons tout de suite écouter le premier titre de Johnny Hallyday. Juste après cette anecdote-là, on va parler du titre T'aimer follement. Le 14 mars 1960, c'est un séisme. Et ce jour voit naître le rock français quand sort ce premier super 45 tours de Johnny Hallyday. Avant, il y eut certes du rock'n'roll en français. D'excellentes tentatives, hein. Mac, Moustache, Henri Salvador, ainsi que pas mal de musiciens de jazz qui ont enregistré des plages inspirées par ce que faisait Bill Haley and his Comets. Le swing était là, c'était dansant et amusant, et Johnny, c'est autre chose, une autre dimension. Par son âge, son physique et sa sincérité, c'est sa musique. Il suscite l'identification et d'emblée, il a une attitude. Oui, pas encore la rock'n'roll attitude, mais une attitude. Une génération se reconnaît en lui, et parallèlement, Arabelle, Bob Azam, Claudine Sereda, Noël Chibout, Dalida, Jacques Dany, Henri Decker et quelques autres réalisent leur propre version de la chanson T'aimer follement, est basée sur un titre du guitariste, chanteur et compositeur américain Floyd Robinson, dont ce fut l'unique succès durant l'été 1959. Pour cette chanson, la version de Johnny, la séance d'enregistrement du premier IP Vogue a été effectuée le 12 février 1960 dans un petit studio du 16e arrondissement de Paris, rue Jouvenet, en présence d'un musicien professionnel, le guitariste Léo Petit, chargé d'organiser l'accompagnement. Et en dépit de son jeune âge et de son manque d'expérience, Johnny sent d'instinct ce qu'il faut faire. Quoique timide, en certaines circonstances, en studio, il montre qu'il est animé par une vision. Il sait où il va et n'hésite pas à donner des indications pour que l'entourage l'aide à parvenir. Voici tout de suite T'aimer follement sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Bonne écoute à tous. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, le toujours. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer et follement, mon amour. partir tous deux, partir en se moquant de ceux qui enragent en nous voyant. Ce n'est pas le moment, mon amour. Ce n'est pas le moment, toujours. Ah, que la vie est douce quand on est amoureux. Ah, rien vous rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse. Ah, ce n'est pas le moment, mon amour. Ah, t'aimer est follement de tes jours. Mais quand tu n'es pas là, je pense encore à toi, car je sais que tu reviendras et personne au monde ne m'empêchera. T'aimer est follement, mon amour. T'aimer est follement de tes jours. Ah, Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday 1964 à l'Olympia. Et ce tri, et ce cri. Ce cri. Shout, shout. Yeah. Allez, vous allez faire la réponse avec nous, hein. Ouais. Yeah. You know you make me wanna shout, throw my hands up and down, kick my ears back and shout, throw my arms up and down, throw my head up and shout, come on now, come on now, come on now. You know you make me wanna shout, throw my hands up and down, kick my ears back and shout, throw my arms up and down, come on now. Don't forget to say here we are. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on now, come on now. Come on now, come on now. Hey, that you want me, hey, that you love me, hey, that you need me, you never leave me. Come on now, come on now, come on now. I still remember when you used to be 9 years old. Well, I was a fool to you from the bottom of my soul. Well, now that I'm grown up, you say you want to let me go. I said I want you to know, I said I want you to know right now. You've been so good to me, baby, better than I've been to myself. And if you ever want to leave me, I don't want nobody else. I said I want you to know, I said I want you to know right now. You know you make me wanna shout, throw my head up and shout, kick my ears back and shout, throw my arms up and shout, throw my head up and shout, come on now, come on now, come on now. You know you make me wanna shout, throw my head up and shout, kick my ears back and shout, throw my arms up and shout, come on now, come on now, come on now, come on now, come on now, come on now, come on now, come on now. I said I. I said, Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, dans l'émission Johnny de A à Z, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Johnny et les années 2010. On a l'impression que tu as vraiment besoin de la chanson de ton métier pour vivre. Ouais, tu sais, si je n'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai? Ce métier m'aide beaucoup plus à vivre qu'on peut le penser, moralement surtout. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien quand vient le jour. J'aimerais t'aimer comme il se doit, pardonne-moi. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde ne te refait que dans tes yeux, pardonne-moi si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne revient pas. Personne ne saura mieux que toi, pardonne-moi. Regarde-nous, fermez les yeux face au miroir qui nous foudroie. Quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat, sauvez l'amour, sauvez l'envie une dernière fois. Si je tremble, si je n'ai plus, we'll be right back. Johnny Hallyday avec Pardonne-moi, extrait de l'album, on sait peu comment dire exactement, sorti en 2018, hein, c'est l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour. Bon, le titre est toujours pas bien trouvé, mais bon, quoi qu'il en soit, non, Johnny ne voulait pas Made in Rock'n'Roll, ça faisait comme si c'était écrit sur un, comme si c'était un truc t-shirt et compagnie, voilà. Donc, il n'en voulait pas, donc il voulait Mon pays, c'est l'amour, tant mieux. De toute façon, on a plein d'autres mots à dire, hein, c'est ça. On revient à l'album de la semaine qui est Hello Johnny, sorti le 31 octobre 1960, et je vous propose d'écouter tout de suite le titre de Pick My Mom. De Pick My Mom, je vois un peu qu'il est sorti sur le IP à l'époque du 11 octobre 1960 avec entre autres les titres Itsy Pitsy Petit Bikini. Je cours au whisky et je passe mes jours allongés sur le tapis. Et je passe mes jours à guetter son retour. Depuis que maman est partie, je n'ai plus un sou d'appétit. Et j'en ai assez de manger des œufs sur le plat. Et j'en ai assez de manger des œufs sur le plat. Oh la la, pour moi, oh la la, qui me dira, quand elle reviendra. Depuis que maman m'a quitté, j'ai mes chaussettes trouées, mes chemises en nylon n'ont plus un seul bouton, et je passe mes jours à guetter son retour. Maman est partie, je n'ai plus de goût à la vie. Et j'ai le bourdon quand je vais au ciné. Et j'ai le bourdon voir les autres s'embrasser. Allez, la paix. Je passe mes jours à guetter son retour. Oh, oui, reviens-moi, mon amour. Oh, oui, reviens-moi, mon amour. Yeah. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Jamais. Pourtant, tu veux. John Hallyday en 1968 et son album Rêve et Amour. Johnny et les années 2010. Il y a une expression américaine en anglais qui dit Rock and roll is dead. Ce qui veut dire le rock and roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Nous sommes à présent en 2011 et John Hallyday, du moins ce titre, est extrait de l'album Jamais seul, écrit par Mathieu Chédid. À peine peignant tes orteils, je vois tes dansaines briller au soleil. Je suis hors de moi, j'aimerais te dire que je suis à toi, esclave ou satyre. Je suis fou de toi. Viens dans mon épaule, jolie Tanagra, tu me fous la gaule. Mais tu te déroules. Tanagra, qui est à la base un titre de Brigitte Fontaine. Johnny et les années 70. Car le rock and roll, en fin de compte, est quand même une musique qu'il ne faut pas oublier, une musique d'ambiance. C'est le rythme, c'est la musique, c'est... c'est... en termes de métier, on dit c'est le pied, quoi. Entre tout de suite le remix de l'album Hollywood, dont l'extrait fait ce que je dis, pas ce que je fais, ici sur l'antenne de RIG, que vous écoutez tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, l'émission Julie de la Z. Les gueules de bois carabinées, les lendemains de cuit, il faut toujours boire le dernier, si on t'invite. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Tiens, à présent, parlons un petit peu de l'émission de la semaine prochaine. Émission spéciale Johnny de A à Z, le mercredi 7 juin 2023, dès 22h sur votre radio RIG. Et on aura en extrait au cours de cette émission quelques extraits donc des sorties qui auront lieu au cours du mois de juin. Des sorties évidemment concernant Johnny Hallyday, bien sûr. Le 16 juin, nous aurons le coffret de l'intégrale Parc des Princes 1993. On fêtera donc les 30 ans du Parc des Princes. Le concert de Toulouse 1965 et de Lyon de 1973, ça c'est dans le cadre des Johnny Archive Live, et nous aurons également la participation de Xavier Perrault, chef de projet Universal Music France, au cours de cette émission, émission que je suis en train de préparer pour vous actuellement, encore aujourd'hui et demain aussi, ça sera, je serai en plein dedans. Et sans oublier également que le 15 juin, dans les salles de cinéma, dans plus de 300 salles de cinéma, il y aura également le concert du Parc des Princes 1993 à l'affiche. Je vous ai fait une petite avance sur l'interview que j'ai pu faire avec Xavier, qui nous parle justement de ce concert qui va être diffusé donc dans de grandes parties, dans beaucoup de salles de cinéma, et on va surtout parler des salles Dolby Atmos avec une atmosphère vraiment particulière, vraiment une projection dans le concert, comme si on le revivait pratiquement. Voici Xavier Perrault qui nous parle donc du Parc des Princes au cinéma pour le 15 juin. Moi, j'ai vraiment un truc, si je peux me permettre un conseil aux gens, c'est offrez-vous des places pour aller voir le concert au cinéma le 15, si possible dans une salle qui a la technologie Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est une technologie qui est apparue, on va dire, au début des années 2000 environ, qui permet une spatialisation du son. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais très sincèrement, les gens connaissent la technologie 5.1, donc 6 enceintes au total. Là, le Dolby Atmos, selon les salles, la configuration des salles, on est sur des 40, des 50, des 60, voire des 80 enceintes dans certaines salles cinéma. Et le son est juste dantesque. Moi, je l'ai validé, ce son Dolby Atmos, pour la diffusion cinéma. Et je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu écouter jusqu'à présent. Il faut savoir que au cinéma, avec le Dolby Atmos, les gens vont profiter au maximum de ce son d'ambiance et de ce nouveau mix inédit. Si en plus ils sont dans une salle qui est Dolby Atmos, qui a cette technologie Dolby Atmos, ça va être encore plus impressionnant, plus spectaculaire, si tu veux. Parce que on passe à une diffusion où tu as pas simplement, donc, comme je l'expliquais, pour un 5.1 où on a 6 enceintes, mais on est sur 10, 20, 30, 40. Je sais pas exactement le nombre d'enceintes, mais c'est énorme. Et on peut à la fois, donc, il y a une spatialisation du son qui est énorme, et en même temps, on garde la même précision. C'est-à-dire que on peut décider, par exemple, les ingénieurs du son qui ont travaillé, donc, sur ce mix de Dolby Atmos, tu travailles pas simplement canal gauche-droite comme en stéréo. Là, t'as beaucoup plus de canaux, en fait. Donc, tu peux spatialiser, diffuser le son d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus ample et en même temps beaucoup plus précise. C'est-à-dire que ils ont, par exemple, sur la scène du Parc des Princes, si je dis pas de bêtises, les choristes étaient à droite de Johnny quand on regardait la scène, et les cuivres à gauche de Johnny quand on regardait la scène. En plus, chacun, que ça soit les choristes d'un côté et les cuivres de l'autre, était sur un estrade, donc légèrement surélevé. Eh bien, ils ont gardé cette même configuration, c'est-à-dire qu'ils ont placé le son des choristes ou des cuivres à droite ou à gauche, légèrement surélevé par rapport à la position, par rapport à leur position sur la scène. Et ils ont reproduit ça pour chaque instrument, ils ont placé une guitare à droite, une guitare à gauche, ils ont placé la batterie, voilà. Donc c'est vraiment une spatialisation dans l'espace du son qui est vraiment exceptionnelle. Et cette diffusion cinéma, elle va avoir lieu qu'une fois. Donc, j'invite vraiment les gens qui souhaitent profiter au maximum du travail qui a été fait, de le faire, voilà, de se payer cette place de ciné, parce que ça n'aura lieu qu'une fois. Et je pense que c'est une expérience qui vaut vraiment le coup. En tous les cas, moi, qui l'ai vécu avec la validation de ce mix Dolby Atmos, c'est quelque chose, quoi. C'est-à-dire que, notamment, on voit Johnny qui, donc, passe sous les tribunes pour rentrer dans le stade, par l'arrière, comme chacun sait. Et là, ce coup d'un seul, il y a une espèce de clameur qui monte. Quand on est dans la salle de cinéma, qu'on a cette diffusion-là, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment prenant, quoi. Et les poils qui se dressent. Vraiment dans le concert, quoi. Et en plus, cerise sur le gâteau, On a pu restaurer des images. Alors, la restauration d'images n'est pas aussi extraordinaire que les leçons, parce que le son, c'est vraiment un nouveau mix. Mmh. Sur la restauration d'images, on n'a pas, nous, la possibilité aujourd'hui technologique de pouvoir recréer. On n'est pas sur du 2K ou sur du 4K. On est sur vraiment une restauration d'images de qualité sur les plans serrés, sur les plans moyens. C'est vraiment flagrant. Sur les plans larges, hélas, on ne peut pas faire de miracle et on ne peut pas restaurer autant qu'on l'aimerait en fonction de ce qui est à notre disposition aujourd'hui d'un point de vue technologique, les images sur les plans larges. Mais on est quand même passé d'un format 4 tiers à un format 16 neuvième. Donc là aussi, on a gagné quand même en qualité. Mais franchement, je le redis parce que je pense sincèrement, si les gens peuvent s'offrir cette place de cinéma, je crois qu'il y a au total 316 salles en France, Belgique, Suisse, il y en a... une, je crois, où il y en a quelques-unes aussi au Luxembourg. Il y a 316 salles qui vont diffuser ce concert. Ça n'aura lieu qu'une seule fois, le 15 juin à 20h. Une expérience unique. Ouais, exact. Et un extrait pour illustrer ce que vient de dire Xavier Perrault, le chef de projet chez Universal. Voici « Je serai là ». Le nouveau mix, car ils ont retravaillé tout le concert à partir des bandes multipistes originales. Je serai là. Et je peux vous dire que ça va assurer aussi. Si vous avez aimé les mixages des Bercy, vous aimerez également le mixage du Parc des Princes, de ce coffret, triple coffret. Triple concert, comme vous voulez. Date du 18, 19 et 20 juin. Sur tous les chemins de ta vie, dans le désert ou sous la pluie, tu voudras, je serai là. Que tu viennes d'un château, de nulle part ou d'un ruisseau, quand tu voudras, moi je serai là. Je serai là si tu ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Je serai là si tu veux, oui, comme la vie qu'on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Dans le souffle d'un vent géant, dans le sourire du printemps, quand tu voudras, je serai là. Dans tes moments de solitude, dans le confort ou la vie trop dure, ah, je serai là, oui. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Je serai là. Dans tes yeux ou dans ton sommeil, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, je serai là. serai là si tu veux. Oui, comme ces rêves qui rendent heureux pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Serai là. Rien que pour toi, je serai là. Si tu es là, je serai là. Le remix est très très très réussi de ces concerts du Parc des Princes des 3 soirs 18, 19 et 20 juin. Revenons à l'album de la semaine qui est Hello Johnny, sorti donc le 31 octobre 1960. Si vous vous en souvenez, moi je m'en souvenais plus du tout. Et on va écouter dans quelques secondes le titre Je cherche une fille. Et ce titre inspira à Vogue celui d'une des premières compilations consacrées à Johnny, le IP Johnny Hallyday chante les filles, qui incluait Laisse les filles, J'étais fou, Depuis que ma môme et Je cherche une fille. Dans la série suivront Johnny Hallyday chante Johnny Hallyday et les collections Pop 4 ou les disques d'or de la chanson. Voici tout de suite Je cherche une fille, Johnny Hallyday sur Érigé, dans l'émission Johnny de A à Z. Sur les boulevards, quand vient le soir, je veux m'enfuir de mon parrain-là. Rien dans les poches, tout dans le regard. Pourquoi, oh pourquoi, je cherche une fille, oh oh oh, je cherche une fille, yeah, pour l'emmener faire un petit tour au ciné. Oh, comme je n'ai pas un seul radis, je ne peux pas faire de folie. Lui payer même une menthe à l'eau, pour moi, oh oui, c'est trop. Je cherche une fille, oh oh oh, oh. Je cherche une fille, yeah, afin de faire l'amour buissonnière. Oh, si parfois vous en avez une, envoyez la blonde ou bien pourvu qu'elle ait un peu de fortune, un peu, oh oui, fortune. Je cherche une fille, oh oh oh oh, mais je la veux très très jolie, pour l'embrasser sans avoir à me forcer. De l'esprit, voilà, oh oui, pourquoi je cherche une fille, oh oh oh, je cherche une fille, genre modèle, et qui serait intelligente et fidèle. Woo! Je cherche une fille, oh oh oh, oh, mais comme je suis pas prêt de la trouver, je vais garder de côté. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 2000. Mmh.

À présent, on va retrouver Antoine Decaune pour un nouvel épisode de sa série L'Odyssée Johnny Hallyday. L'Odyssée Johnny Hallyday. Encore gamin, avant même d'avoir la révélation du rock'n'roll, Johnny adore les chansons qu'il entend à la radio. Malgré son jeune âge, il se prend d'admiration pour Georges Brassens, qui demeurera, comme Édith Piaf ou Jacques Brel, l'un de ses artistes préférés. C'est à coup la prison bien close, où vivait le bel animal. Souvent, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Garogorie. Au tout début des années 60, en tournée dans la région de Sète, Johnny est invité par Brassens à venir dîner chez César, un ami qui prépare pâtes et pizzas comme personne. Brassens empoigne sa guitare et entonne quelques chansons. Impressionné, intimidé même, Johnny se tourne alors vers son camarade assis à côté de lui, Jean-Jacques Debout, qui l'accompagne et lui dit « Tu te rends compte du privilège ? Brassens qui chante rien que pour nous. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. » Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Lorsque Aimé Mortimer invite à la fois Johnny et Georges Brassens dans son émission de télévision L'École des vedettes, début 1962, elle demande à chacun des deux artistes, très timide, donc peu bavard, de dire ce qu'il pense de l'autre. Brassens dit de Johnny « Il est très sympathique, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a une efficacité énorme sur le public. » Johnny s'adresse directement à Brassens « Je t'admire beaucoup, je te l'ai déjà dit souvent et encore là tout à l'heure en coulisses. » Puis Johnny confie « Il y a 3 ou 4 ans, je chantais des chansons de Georges, Le Petit Cheval, Le Parapluie. » Brassens s'exclame alors « J'aurais bien aimé entendre ça, et ben nous aussi. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui. Devant. En 2005, interviewé par le magazine L'Express, Johnny raconte. Mes premières amours, ce sont les chansons de Brassens. Je les ai chantées avant de découvrir le rock'n'roll et je les connais encore toutes par cœur, contrairement aux miennes. J'ai assuré sa première partie au Vieux Colombier à Juan-les-Pins, où j'avais un contrat pour la saison en 1958. Je mourais de trac, mais il m'a rassuré. Il voulait même qu'on fasse une chanson ensemble. Et bien plus tard, j'ai enregistré Le Parapluie ou Le Petit Cheval à la guitare sèche lors d'une émission de radio. Brassens est très adaptable en country. C'est un chanteur du terroir. Although I've sailed in lots of boats, there's only one that stayed afloat and held its course amid the squall, course amid the squall. He sailed so gently in the breeze, round the big duck pond past the trees, a ship named Buddy's first of all, Buddy's first of all. Ce que nous entendons, c'est une chanson de Brassens, Les Copains d'abord, interprétée en 1984 en anglais par Graham Allwright. Le répertoire de Brassens a souvent été traduit, adapté et même réarrangé en folk, en jazz, voire en chansons rigolotes à succès. Vous vous souvenez de ceci ? Quand je prie pour étrenner une bicyclette à marinette, la belle la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con, ma mère. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Fin 2001, Johnny a accepté de participer à un album caritatif destiné à aider des enfants malades. Il est demandé à chaque participant d'interpréter un air qui a marqué ses jeunes années. Quand sort le disque intitulé « Ils chantent leurs chansons d'enfance », on peut découvrir une nouvelle version du « Parapluie » de Georges Brassens, revue et corrigée par Johnny. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. demain faisant que ce fut tendre, d'où ira d'eux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, mais je ne perdais pas aux chances hardies. Et bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Et un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change pardi. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change pardi. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 60. Et par ici. Je pense à toi chaque seconde, mais je ne sais pas si tu comprends combien je t'aime. La nuit se souvient que nos deux cœurs trahis de peine se sont séparés en espérant se retrouver. Je t'écris souvent, je t'aime encore, que faut-il faire? Je voudrais mourir, il faut souffrir sur cette terre. Tu ne réponds pas, je suis tout seul, ma vie, ma peine. Ta voix près de moi te serrer. Je pars vers les casernes. Oui, je t'attendrai la nuit et le jour, puisque je t'aime. La version alternative de Je t'écris souvent. Vous avez reconnu, hein, n'est-ce pas, hein, vous avez, oui, vous avez reconnu. Vous êtes des pros. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Je n'ai plus rien à te donner. Mon cœur est une ville abandonnée. Mes yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Laisse-moi, tu ne peux pas m'aider. La solitude est extrait d'un album de Insolitude sorti en 1973. Revenons à l'album de la semaine qui s'appelle Hello Johnny, qui est sorti le 31 octobre 60. Et je vous propose le titre suivant, Souvenir, Souvenir. Et en écrivant son adaptation, Fernand Bonifay, parolier professionnel auquel les éditeurs faisaient souvent appel, il ne pensait pas, certainement pas, à un chanteur de 17 ans. Sinon, comment aurait-il osé imaginer à son intention un texte nostalgique? Cette contradiction n'est qu'apparente, car Johnny prend possession du morceau avec la fougue qui le caractérise. La partie de guitare exécutée par Léo Petit est lumineuse et confère à l'ensemble d'une accroche vitale. En fait, le thème adulte du texte est vraisemblablement a été rédigé à l'intention de Rita Cadillac, célèbre effeuilleuse qui, à cette époque, enregistre elle aussi chez Vogue. Et les versions en anglais de Souvenir par Barbara Evans, Bill Ramsey ou les Black Stars, qui chantent à la manière de Louise Prima, ne furent jamais classées aux USA ou en Angleterre. Seule la Finlande ou l'Allemagne semblent avoir goûter cette composition. Et ces disques sont nettement moins célèbres que celui de Johnny, dont le succès provoqua quelques reprises locales par James Havard, les Golden Strings, Jean-Claude Pelletier et ses Manx, et Léo Petit et encore d'autres. Le succès de cette chanson ne se mesure pas uniquement au nombre d'exemplaires vendus, mais également par la pénétration, oui j'ai dit ça, la pénétration d'un langage courant de l'expression souvenir, souvenir, pour désigner un regard au rétroviseur. Et de nombreuses séquences ou émissions la prirent comme titre, notamment celle animée mais pas par Patrice Blanc-Francard sur France Inter, dont la programmation était exclusivement tournée vers les années 60. En 1984, un film d'Ariel Zetoun avec Christophe Malavoy et Gabriel Lazur, dont l'action se déroule à la fin de la guerre d'Algérie, est appelé Souvenir, Souvenir. On y entend naturellement Johnny dans la chanson titre, ainsi que Viens danser le twist, Tutti Frutti, Tes tendres années et Les mauvais garçons. Et la bande originale du film recèle par ailleurs des versions orchestrales de La bagarre et de Bebop Lula. Et lors de son show à l'Olympia, enregistré le 6 novembre 1999, pour la production d'un CD, Sylvie Vartan, désireuse de nous faire le coup du souviens-toi, inscrivit Souvenir, Souvenir à son répertoire. Oui, ça c'est un truc qu'on peut oublier. Voici Souvenir, Souvenir datant des années 60, de 1960 même. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenirs, souvenirs de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenirs, souvenirs, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. Que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Alive au Palais Sport en 1976. Et ce titre, Joue pas de rock'n'roll pour moi, extrait de l'album Derrière l'amour de 1976 également. Et vous écoutez toujours Johnny de A à Z, ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. We'll be right back.

ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, tu t'appelais Marie, quand ma main serait sèche et dure. Et les tiennes si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, lâcher le nouveau-né. Si tu t'appelais Marie, aurais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Oh, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Aurais-tu alors m'épouser? Revenons à l'avant-dernier extrait maintenant de l'album de la semaine qui est sorti, qui est Hello Johnny, qui est sorti donc en octobre 1960, le 31 octobre exactement. Et le prochain titre que je propose, c'est Je veux me promener. Oui, et en août 1959, Fats Domino connaît son 30e succès avec I Want to Walk You Home. Rarement cité comme une influence par les rockers français en dehors de Frankie Jordan, qui lui consacra un IP et des Chats Sauvages qui lui doivent Oh Boy, I Want You to Know. Et Fats Domino est un pionnier du rock'n'roll, une vedette immense, un grand styliste, et son swing néo-orléanais est souple, plein de grâce. Et Johnny respecte ce côté déambulant qui est d'ailleurs présent dans le titre original, To Walk, marcher, bien entendu. Et même dans sa traduction avec le verbe se promener, Johnny saluera à nouveau Fats Domino en reprenant Blueberry Hill. Je veux me promener avec vous, je veux me promener avec vous n'importe où, et peut-être qui sait, oh oui, qui sait, peut-être que sur le chemin je pourrais vous prendre par la main. Je veux me promener avec vous, avec vous. Je promets de rester plus sage qu'un joujou. aussi chérie après. Oh, oh, oh, oh oui, qui sait, peut-être vous laisserez-vous embrasser doucement dans le cou. Je veux me promener avec vous, avec vous, sous le ciel de l'été, au parfum tendre et doux. Et peut-être qu'alors, oh oui, alors, pourrais-je mon amour en chemin, oui, pousser la chose un peu plus loin. Je veux me promener avec vous, avec vous. Mais si vous préférez ne pas sortir du tout, alors chérie, venez. Venez donc chez moi faire un tour. Venez donc chez moi faire un tour. Venez donc chez moi faire un tour. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. Un petit blues, ça vous dit? Oui. Extrait de l'album Rough Town de 1994. Voici Dry Spell. This living hell is gonna be a time.

appelez-moi chef de rayon, je suis pas d'accord. Ma mère m'a offert ce monde, et moi, je n'en veux pas. Non, non, ce genre de cadeau, c'est bon pour ceux qu'on n'aime pas. Ça sent la poudre et le sang, ça sent la sueur et l'argent. Remboursez-moi, je ne veux pas de ce monde-là. Donne un monde meilleur, avec moi de cimetière et avec une seule couleur pour les hommes. Hey, appelez-moi le grand patron, dites-lui que je réclame les cœurs des filles sont en pierre, les océans en larmes. Donnez ce monde aux enfants, c'est du fort. Réclamation, extrait de l'album Rivière ouvre ton lit de 1969. On revient à un dernier extrait de l'album de la semaine qui est Hello Johnny. Et le titre que je vous propose, il est sorti sur le 45 tours, T'aimer follement, c'est le titre Laisse les filles, oui, que nous n'avons pas encore entendu. Et donc, et ce 45 tours est de sortir le 14 mars 1960, mais à savoir que le 18 avril, soit en gros un mois après, 18 avril 1960, alors qu'Eddie Cochrane est tué dans l'accident d'un taxi qui le ramène vers Londres, Johnny fait sa première télévision à une heure de grande écoute présentée Laisse les filles, à l'école des vedettes qu'anime Aimé Mortimer. Suivant le principe de l'émission, une vedette confirmée parraine l'impétrant. Et un peu par hasard, ce rôle échoua à Lynn Renault. Le hasard fait bien les choses, Lynn Renault est très au fait de tout ce qui vient d'Amérique. Elle a elle-même déjà enregistré des morceaux proto-rock. Aussi, les hoquets de Johnny ne la surprennent-ils pas, hein? Et au fil du temps, elle restera liée à Johnny d'une amitié indéfectible. Voici Laisse les filles. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère crie plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles. Avec Claude hier au soir, devant le tube près du bar, on dansait avait de la gaieté lorsque ma mère s'est ranimée. Laissez filles, oui, laissez filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Soutenir chez mon papa qui me dit toujours vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles t'adorer, oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et on retrouve Johnny Hallyday pour le dernier live de la soirée au Parc des Princes, mais pas en 93, en 2003. Et ce titre de Fred Blondin, dis-le-moi. Si tu joues avec moi, par peur d'être trop seul, si je ne brille pour toi à tes yeux qu'en la muscule, si tu joues, parle-moi rien qu'au son de ta voix, et dans le choix de tes mots j'entendrai ce qu'il faut. Je t'en prie, dis-le. J'en deviendrai amer. Oui, t'en avoir trop souffert. Je t'en prie, dis-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, réponds-moi. Nous deux, ça peut faire une histoire. T'en prie, réponds-moi. Un jour j'aurai mal si tu ne pas savoir me tuer chaque jour loin de toi. Si tu joues, je t'en veux pas. J'irai rien, je pleurerai pas. Oui, je serai celui qui savait. Je me ferai croire que j'aurai. Je semaine, c'est le chef de cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Hello Johnny, sorti en octobre 1960. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir et d'écouter chaque mercredi cette émission. Faites-moi quand il y en a une, hein. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale sortie du mois de juin concernant Johnny Hallyday, c'est-à-dire le Parc des Princes 93, le cinéma, Johnny au cinéma, dans tous les cinémas, pratiquement tous les cinémas de France, et puis aussi les archives live avec Toulouse 65 et Lyon 73. On en parle la semaine prochaine. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.